dis-moi-ti un mot, garde-moi-ti un mot, même si je sais que je ne suis pas ton unique et que tu l'aimes aussi, que la vie est ainsi. Ti amo, c'est mon cri. Entends-moi même dans le silence dans lequel j'ai plongé ma vie. Sans toi, je ne serai plus moi. Je l'envie et je t'aime. Comme l'oiseau déploie ses ailes, tu t'envoles vers.